On voit ça dans les récits anciens, comme justement en Inde. Siddhartha, il sort pour la première fois du palais, puis il rencontre des affaires qu'il avait jamais vues. Comme il voit quelqu'un de pauvre en train de mendier, puis il dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y a quelqu'un qui explique, il dit, ben, c'est quelqu'un de pauvre, il y a de la misère dans le monde, mais lui, il était pas au courant. Il dit, OK, fait que là, c'est un choc. Puis après ça, il voit quelqu'un de mort, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Là, la personne explique, elle dit, ben, c'est un cadavre, la personne est morte. Puis là, il réalise la... Fait que c'est tous des chocs. C'est-à-dire que c'est par des chocs que l'ego va se dépolluer, puis qu'il va finir par devenir plus une interface où il y a du réel qui passe dedans. Parce que le moi réel, c'est pas l'ego, c'est la conscience. Puis elle existe en potentiel sur son plan. Puis c'est par des chocs que bon, plus ça vient plus clair, il y a un alignement, plus ça passe. La personne, elle voit de plus en plus clair. C'est le même que tu peux avoir quelqu'un qui est dans sa jeunesse. Il a commis des meurtres, il a fait des affaires horribles, puis tout, mais rendu vers la fin de sa vie, c'est plus la même personne. Tu sais, on n'est pas pour vouloir que l'ego se comprenne pour l'ego, que ça survive. Parce que ça va contre les lois de l'intelligence. Le but de l'ego, c'est une interface pour qu'il se manifeste de la conscience. C'est pas pour que la personnalité psychologique circonstancielle expérimentale devienne éternelle, ça l'est la mort.